Salut, c'est Alexa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, c'est très simple, il vous suffit de filer sur patreon.com ou Utip et de nous faire un petit don. Oh, tout petit, hein, pour le prix d'un crottin de chavignol, vous nous aidez à servir la science et c'est notre joie. À bientôt et bon épisode. Quand on parle de maladie, on pense souvent au petit rhume ou la gastro du voisin. Mais ça, ce sont des maladies où ça part et ça revient. Imaginez maintenant que la maladie soit là depuis l'enfance. Qu'on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes qu'il y ait la défaillance. Aujourd'hui, nous parlons de maladies génétiques. Et nous recevons Marion Aubert-Bucca, experte en génétique médicale, qui va nous éclairer au milieu des plus rares des maladies génétiques de la clinique, à la recherche fondamentale. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022, vous écoutez l'épisode 478 de Podcast Science. Bienvenue. Et aujourd'hui, donc, on a notre invitée Marion depuis Los Angeles. Bonjour. Alexa, au même endroit. Salut tout le monde. Joanne depuis Paris. Salut. Pascal, toujours du côté de Mulhouse, j'imagine. Salut tout le monde, tout à fait. Et moi-même, Cléora, depuis les internets. Et je vais laisser la parole à Alexa, qui va nous développer tout ça avec Marion. Ça a l'air trop bien comme pays, les internets. ça fait très... 95, etc. Bonjour tout le monde. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Marion Aubert-Bucca, qui est donc docteur en génétique médicale à Toulouse, mais qui est en ce moment à Los Angeles. Donc on va s'intéresser à cette spécialité médicale qui s'intéresse aux maladies rares. C'est un sujet dont on n'a pas encore parlé dans Podcast Science, et donc nous sommes particulièrement heureux de t'avoir à notre micro, Marion. Et comme tu es médecin, mais tu fais aussi de la recherche, on va d'abord s'intéresser à ta carrière de médecin, et puis tu nous parleras ensuite de la recherche scientifique sur le sujet, qui t'intéresse aussi beaucoup. Et pour commencer cette interview, on va commencer par une tradition qu'on a dans ce podcast, qui est, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à cette spécialité ? Oui, ben donc moi je suis interne en génétique médicale, donc actuellement je suis en fin d'internat, je suis en dernière année et j'ai suivi un cursus médecine assez classique. Donc aujourd'hui il y a une réforme qui a été faite au niveau des études médicales, mais à l'époque où je l'ai passé c'est à peu près le même cursus. Donc en fait ça commence avec une première année qui est la première année commune aux études de santé. Donc, en fait, on a un concours qui sanctionne à la fin de la première année. Puis, selon son classement et ses envies, on choisit soit kinésithérapie, pharmacie, odontologie, donc c'est dentaire ou maïeutique, c'est sage-femme, ou médecine. Et donc, à mon époque, il y avait juste une année donc qui s'appelait la PACES, la P1, première année commune aux études de santé. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Ils ont fait deux cursus différents qui regroupe cette première année. Donc, soit on passe par l'année qui s'appelle la PASS, c'est parcours accès spécifique santé, ou alors on passe par une année de licence accès santé, mais en fait, au final, ça revient à peu près au même. On a le choix entre les différentes voies et un concours qui fonctionne à la fin avec maintenant un oral. Et je crois qu'au final, la sélection est tout à fait similaire. Donc, une fois qu'on a passé cette première année, on a 2 ans de préclinique. À l'issue duquel on a un diplôme de formation générale en sciences médicales. Donc, on a surtout des cours à la fac de médecine. Et puis, on a quelques stages par-ci, par-là pour commencer à découvrir un petit peu l'hôpital, les différentes spécialités. Ensuite, à l'issue de ça, on a un deuxième cycle d'études médicales. Donc là, on est externe en médecine. C'est un cycle qui dure 3 ans. Et on a globalement stage le matin à l'hôpital, et les cours l'après-midi ou l'inverse. Et pendant ces 3 années, on va préparer le concours de l'internat. Donc, en fait, c'est un concours c'est un concours national où, en fait, à l'issue de ce concours, en fonction de son classement, on va choisir sa spécialité et sa ville. Et donc, une fois qu'on a passé ce concours, qu'on a eu son classement, qu'on a choisi sa spécialité où on allait l'exercer, eh bien, on commence le troisième cycle, donc qui est le cycle de l'internat, où là, ben, on est un jeune médecin, et donc on va commencer à exercer, on va se former, on change tous les 6 mois de stage, de terrain de stage, pour aller un petit peu découvrir tous les aspects de notre spécialité afin de se former définitivement. Et donc, la génétique médicale, c'est l'une de ces spécialités qui est assez méconnue. On n'est que 20 internes par an en France. Donc, c'est une des plus petites spécialités en France. Moi, pourquoi j'ai choisi ça? Alors, initialement, c'est vrai que j'étais partagée pendant mon externat entre la neuropédiatrie et la gynécologie obstétrique. Et en fait, pendant un de mes stages d'externat en neuropédiatrie, à l'époque, j'avais un de mes internes qui était un interne de génétique. Et lui, il faisait 6 mois dans le service de neuropédiatrie. Et en fait, il m'a parlé de sa spécialité. Et puis, je me suis vite aperçue que, donc oui, c'était une spécialité totalement méconnue, mais vraiment passionnante et qui regroupe plusieurs branches de ce qui me fascine en médecine. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la génétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la génétique médicale comme spécialité? Qu'est-ce que c'est exactement que la génétique médicale? Donc en fait, c'est une spécialité qui s'organise autour du diagnostic des maladies génétiques. Les maladies génétiques, on en a décrit pour l'instant un peu plus de 6000. Et donc, intrinsèquement, c'est la spécialité qui s'intéresse aux maladies rares. Une maladie rare, par définition, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Mais si on prend toutes les maladies rares dans leur ensemble, ça va concerner en réalité une personne sur 20. Donc les maladies rares, c'est pas si rare. Et dans 80% des cas, les maladies rares ont une origine génétique. Les 20% restants, c'est des causes variées, multifactorielles, notamment immunologiques. Et puis on a aussi le contexte des maladies ultra rares, où là on va être sur des incidences où on va toucher moins d'une personne sur 1 million. Et donc, la génétique médicale, c'est une spécialité où on a 2 branches principales. Une branche qui est la génétique clinique, donc on est au diagnostic auprès du patient, et la génétique biologique, donc là, on est au laboratoire et on fait le diagnostic des maladies génétiques. Et l'une ne fonctionne pas sans l'autre, donc pendant notre internat, on va se former aux deux et on va aller sur des terrains de stage en génétique clinique et en génétique biologique. Pour le type de patient que l'on reçoit, dont on s'occupe, c'est beaucoup d'enfants, principalement atteints de syndromes polymalformatifs, qui ont souvent une déficience intellectuelle associée. Mais ça peut être beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié. En fait, on a plein de domaines de surspécialisation en génétique médicale, avec un domaine d'intérêt particulier. Donc, par exemple, on va avoir la cardiogénétique, donc ça va aller des malformations cardiaques aux troubles du rythme. Là, il va y avoir beaucoup de patients adultes. En neurogénétique, on va s'intéresser aux maladies neurodégénératives, aux épilepsies rares. On peut avoir des liens avec la psychiatrie qui sont forts également. On va avoir, par exemple, la surspécialisation en maladies osseuses, qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est le groupe des maladies qui touchent le développement de l'os, donc qui vont être principalement responsables de retard statural, mais également de fragilité osseuse. On a l'ophtalmogénétique, donc là, c'est toutes les maladies congénitales de l'œil, et on va prendre en charge des patients de tous les âges. Donc, au global, on va avoir des patients qui vont être atteints de pathologies qui vont concerner globalement tous les organes, des patients de tous âges, et on est en lien avec pratiquement toutes les spécialités médicales. Alors, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que vous étiez que 20 en France. Par an. Par an. Et il semble qu'il y a énormément de surspécialisation. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à tout couvrir? Est-ce qu'il y a des maladies, des organes qui n'ont pas finalement de spécialiste? Non, du coup, on a des surspécialisations par ville. Donc en fait, on va avoir certaines villes qui vont avoir son pôle de surspécialisation. On a des généticiens qui n'ont pas forcément de surspécialisation, qui vont faire un peu de la génétique tout venant. Et puis après, ben, on va y avoir, par exemple, à Toulouse, une surspécialisation en ophtalmogénétique et en cardiogénétique. On va avoir à Necker, par exemple, un gros centre de maladies osseuses constitutionnelles. Voilà, donc on se répartit en France et on n'a pas dans une même ville toutes les surspécialisations. Mais il y a des pôles de spécialisation par ville. C'est ça. Justement, tu viens nous parler de ces spécialisations, et donc j'imagine que à chaque fois qu'on va chez le médecin, on a une consultation. Et donc je me demandais comment se passe une consultation avec un généticien. Si on vient te voir, qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est dans le cadre de la génétique clinique, du coup, dans la branche clinique. Donc quand on reçoit nos patients, c'est des consultations qui sont longues, ce qui est rare et privilégié en médecine. Pour nous, on a des consultations qui vont de 30 minutes à 1 heure. Donc, on a des consultations où on commence toujours par reprendre l'histoire familiale et où, en fait, on va réaliser des arbres généalogiques. Et pourquoi on fait ça ? Ben, y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça peut nous orienter sur le mode de transmission de la maladie. Pour quelques rappels, le mode de transmission en génétique, il y en a plusieurs. Donc, il y a les modes de transmission autosomiques dominants, récessifs ou liés à l'X. On a aussi des cas où la mutation va survenir chez le patient, donc c'est une des mutations spontanées, on appelle ça de novo. Mais du coup, si je reprends les modes de transmission un petit peu pour expliquer comment, depuis un arbre généalogique, on peut arriver à avoir des idées diagnostiques. Donc, si on fait quelques rappels un petit peu de base, donc dans le noyau de chacune de nos cellules, on a donc l'ADN qui est compacté, et l'ADN, c'est 23 paires de chromosomes. Et on dit une paire puisqu'on a la moitié qui vient de chaque parent. Il y a 22 autosomes, donc numérotés de 1 à 22. Et puis, on a les chromosomes sexuels qui sont les chromosomes X et Y. Et donc, ça va déterminer le sexe. Donc, XX pour le sexe féminin et XY pour le sexe masculin. Et dans le cadre, par exemple, d'une transmission autosomique dominante, donc comme j'ai dit, tout est en deux exemplaires. Et quand on a une personne qui est porteuse d'une variation pathogène, d'une mutation, dans une seule copie du gène, ça va être suffisant pour exprimer la maladie. Donc c'est une pathologie qu'on dit autosomique dominante. Une seule variation dans une seule copie du gène suffit à être malade. Donc c'est le cas par exemple de l'achondroplasie. C'est la forme de nanisme ou de retard statural la plus fréquente. Donc c'est une naissance sur 25 000 en France. Et donc, ça veut dire que si on a un patient qui est atteint d'achondroplasie, à chaque fois qu'il va produire des gamètes, donc des spermatozoïdes ou des ovocytes, il a une probabilité de 50% de transmettre la variation. Donc, il a une probabilité de 50% d'avoir un enfant avec une achondroplasie à son tour. Et donc, si on prend l'arbre généalogique, et ben, on va avoir une transmission à chaque génération. Donc, on va avoir un parent qui transmet à l'enfant, qui est lui-même hérité des grands-parents, etc. Donc ça, c'est pour le cadre des transmissions autosomiques dominantes. Après, on a le contexte des transmissions autosomiques récessives. Donc là, dans ce cas, il est nécessaire d'avoir les deux copies du gène muté pour exprimer la maladie. Une seule mutation, ça ne suffit pas. Quand on a une seule mutation, une seule copie qui est atteinte, on est ce qu'on appelle porteur asymptomatique ou porteur sain. Donc les deux parents, pour transmettre la pathologie, doivent être chacun porteur d'une mutation. Et chacun des deux a une probabilité de 50% de transmettre la copie mutée. Et donc 50% pour chaque parent, ça fait 25% de risque de probabilité au total à chaque grossesse que l'enfant soit atteint et donc qu'il ait lui reçu les deux copies mutées. C'est l'exemple de la mucoviscidose que vous connaissez probablement. Où en fait, c'est la maladie génétique la plus fréquente en population dite occidentale, donc d'origine Europe, Amérique du Nord, puisque en fait, il y a 4% de la population qui est porteuse d'une variation sur une copie, d'une variation qui est pathogène pour la mucoviscidose. Et donc là, on va avoir des arbres généalogiques où on va avoir des récurrences au sein d'une fratrie. Donc on va avoir des frères et sœurs qui vont être atteints et les parents ne sont pas atteints. Et après, on a les transmissions liées à l'X. Donc là, on va avoir deux types de transmissions dans les transmissions liées à l'X. On a les pathologies récessives liées à l'X. Donc, dans les récessives liées à l'X, la femme, par exemple, va être porteuse, mais elle ne va pas être malade. Parce qu'en fait, elle a deux chromosomes X. Elle en a un qui va avoir la variation. Et puis, il va y avoir l'autre chromosome X en face qui, lui, ne porte pas la variation et qui, lui, va compenser. Et donc, on va retrouver au niveau des cellules ce qu'on appelle un biais d'inactivation, c'est-à-dire que les cellules vont s'arranger pour éteindre complètement le chromosome X qui a la mutation et n'exprimer que celui qui ne l'a pas. Donc, les femmes ne sont pas malades dans les maladies récessives liées à l'X. Et les hommes, par contre, ils n'ont pas le deuxième chromosome X pour compenser. Ils ont un chromosome Y en face. Et donc, eux, ils vont tous exprimer la maladie. Donc, on va avoir des formes, des arbres généalogiques où tous les hommes porteurs sont malades. Et voire, on peut avoir dans des cas de formes létales, par exemple, des pertes de grossesse ou des fausses couches prématurées. Ou alors, par exemple, on ne va avoir aucun garçon dans l'histoire familiale de l'arbre généalogique. Et puis après, on a les transmissions dominantes liées à l'X. Donc là, cette fois, les femmes et les hommes sont malades. Et en fait, on va avoir des éléments sur le mode de transmission, puisque l'homme qui est porteur de la mutation sur le chromosome X va forcément transmettre à ses filles. Il ne peut pas ne pas transmettre, mais par contre, il ne va jamais transmettre à ses garçons. Et la femme atteinte, elle transmettra dans 50% des cas, quel que soit le sexe de son enfant. Donc en fait, ça permet d'avoir des idées, des orientations diagnostiques, de faire cet arbre généalogique pour avoir des éléments en fonction de la transmission de la pathologie. Et en plus de ça, ça nous aide aussi à avoir des éléments sur la pathologie elle-même, puisqu'en fait, quand on a des transmissions de pathologies génétiques, on sait qu'il y a des variabilités intrafamiliales qui peuvent être énormes. Et donc, selon le diagnostic qu'on va évoquer, on peut aller chercher des éléments du spectre phénotypique chez des membres de la famille qui vont être absents chez le cas index. Donc, par exemple, je prends un exemple, on avait eu un patient qui présentait à l'âge de 2 ans une épilepsie très sévère avec une déficience intellectuelle et une forme très sévère. Et il avait des particularités morphologiques quand on l'a examiné, où il avait notamment une hyperpilosité. Donc, il avait beaucoup de poils. En fait, quand on a discuté avec son père, on s'est aperçu que le père, il avait eu quelques difficultés à l'école. Pas grand-chose, juste voilà, des difficultés dans les apprentissages. Et également, quand on l'examine, une hyperpilosité majeure. Et la grand-mère, encore à l'étage de la génération au-dessus, elle avait un phénotype où donc on retrouve également cette hyperpilosité très importante. Puis elle avait des inflammations du péricarde à répétition. C'est l'inflammation de la poche qui entoure le cœur, le péricarde. Et en fait, en associant les phénotypes du petit-fils, du père et de la grand-mère, on a fait le diagnostic juste sur l'histoire familiale. C'est un peu, c'est un peu une enquête policière, finalement, ta spécialité. C'est ça. C'est ça. J'ai une petite question, du coup, mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de passer par le phénotype? Parce qu'on pourrait imaginer que, comme vous connaissez le génome, vous pourriez tout scanner et puis trouver immédiatement, non? Avec juste. Ou il y a juste trop de gènes pour faire ça? Il y a trop, complètement. Après, c'est là aussi. Le but de notre spécialité, c'est-à-dire qu'on reçoit des patients et on va. Le but, c'est de trouver le diagnostic. Et en effet, on a besoin d'avoir la clinique pour pouvoir interpréter n'importe quel génome, en fait. N'importe quelle variation, on a besoin de la clinique en amont. On a besoin de l'histoire, on a besoin de tout ça. Et donc, justement, ensuite, on commence à reprendre toute l'histoire personnelle du patient. Donc, on part de la période périnatale jusqu'à l'âge actuel et on va tout détailler. Hein. Donc, comme tu disais, Alexa, c'est un travail de détective. Donc, on fouille tout, de la petite enfance, du développement, de la scolarité, l'histoire de la maladie, les antécédents. On va organe par organe. Donc, on essaie vraiment de trouver des détails, des petites choses qui, nous, peuvent nous allumer une lumière et dire « Ah, j'ai déjà vu ça, ça me rappelle tel syndrome, on va aller regarder là, etc. » Et donc, la partie qui est très importante, comme je disais aussi, c'est l'examen clinique. Donc, on a un examen qui est assez particulier où, en fait, on va chercher des particularités morphologiques. Donc, à l'examen, on peut avoir des orientations sur un syndrome, mettre un nom sur un syndrome simplement en examinant le patient. Là, par exemple, j'ai quelques exemples en tête. Donc, par exemple, on a un patient qui arrive et puis on va l'examiner. On s'aperçoit qu'il a des ongles qui sont friables. Il va avoir des anomalies de sudation, donc soit hyper-sudation, donc il sue beaucoup, ou alors à l'inverse, il dit qu'il n'arrive pas à réguler sa température. Il a la peau très sèche, des cheveux qui sont très épars, donc très qui se perdent beaucoup, il y en a peu, des dents qui sont absentes ou avec une forme très conique, et ben là, on sait qu'on rentre dans le groupe du syndrome de dysplasie ectodermique. Et donc, je sais qu'Alexa connaît, parce qu'elle a étudié un petit peu. Effectivement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est donc une maladie qui fait des problèmes morphologiques divers chez l'homme. Et de façon assez intéressante, donc là, on digresse un peu, mais un tout petit peu, c'est aussi un groupe de gènes qui est utilisé au cours de l'évolution pour faire des changements morphologiques. Par exemple, faire évoluer la forme des dents, le type de poils. Et chez l'homme, d'ailleurs, il y a une mutation chez les populations asiatiques qui est responsable d'avoir des cheveux plus épais et qui est sous sélection positive. Donc, il y a sans doute eu un intérêt évolutif. Mais au cours de l'évolution, chez les mammifères et les vertébrés en général, des mutations de ce gène peuvent produire des innovations morphologiques. En effet. Donc voilà, c'est un des exemples de syndrome qu'on peut diagnostiquer à l'examen clinique. Il y en a un autre que j'aime bien parce que, pareil, il est assez reconnaissable. C'est le syndrome de Waardenburg, où en fait, les patients présentent une surdité et un iris au niveau de la couleur des yeux. C'est un bleu qui est très particulier. Et en fait, on peut le reconnaître juste sur la couleur du bleu de l'iris. Et une anomalie de pigmentation des cheveux, où ils vont avoir une mèche blanche au milieu des cheveux. Voilà, ben ça, on va reconnaître tout de suite. On sait que c'est le syndrome de Waardenburg. Et donc, à propos de reconnaissance, notamment, une des choses qu'on fait, c'est la dysmorphologie faciale. Et donc, la dysmorphologie faciale, c'est le fait d'être capable de reconnaître un syndrome simplement en voyant le visage. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, mais c'est quelque chose que vous savez faire avec certains syndromes. Donc, par exemple, vous savez reconnaître une personne atteinte de trisomie 21 dans la rue ou à la télé, ou voilà. Et donc nous, on s'entraîne à faire ça avec toute une multitude de syndromes différents. On appelle ça le gestalt en anglais, le fait d'être capable de reconnaître les particularités faciales d'un syndrome. J'ai un exemple. Par exemple, si vous regardez la série Stranger Things, moi, quand je l'ai allumé la première fois, je me suis aperçue que l'acteur qui joue Dustin, donc Gaten Matarazzo, il est atteint de dysplasie cléidocrânienne. Et en fait, c'est une maladie du développement de l'os, où on va avoir notamment des clavicules qui sont petites ou carrément absentes. Et donc, vous avez cet épisode où il se plie les bras et puis il arrive à se contorsionner et à se glisser à l'intérieur d'un tuyau. En fait, c'est parce qu'il n'a pas de clavicule et il a un retard au niveau des fermetures, des sutures du crâne, qui lui crée une forme du visage assez particulière et puis des anomalies dentaires multiples. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on s'entraîne à faire. Donc des fois, on rentre dans la chambre d'un patient, on ouvre la porte et on sait déjà. Et en fait, il y a une entreprise américaine qui a lancé une application qui s'appelle Face2Gene et qui, eux, s'entraînent à permettre de faire ça, de la reconnaissance faciale. Donc c'est une application qui est basée sur l'apprentissage automatique. Donc c'est du machine learning et l'application a un algorithme qui s'entraîne à reconnaître des syndromes parmi des patients en prenant des éléments morphologiques du visage, les distances entre les yeux, la forme des sourcils, voilà. Et donc initialement, ils arrivaient à reconnaître, ils disaient 300 syndromes sur 20 000 patients. Puis là, ils viennent de publier un nouvel algorithme, donc ils ont augmenté leur capacité de reconnaître plus de 1000 pathologies différentes. Et en fait, ils disent qu'en moyenne, ils ont besoin de 7 photos de 7 patients différents pour être capables d'avoir un bon résultat. Donc ça marche pas toujours, puisque des fois, on a des pathologies qui sont ultra rares, donc qui sont pas évidentes à reconnaître. La dysmorphologie faciale ne fait pas tout, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est un outil diagnostique qui est très utile. Et notamment, l'application est assez impressionnante puisqu'ils sont capables des fois de discriminer un gène impliqué au sein d'un même syndrome. Par exemple, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Kabuki et il y a deux gènes qui sont liés à ce syndrome. Mais nous, on n'est pas capable cliniquement de faire la différence entre les deux. Mais leur algorithme arrive à prédire quel gène va être muté Parce qu'en fait, il y a des particularités morphologiques faciales qui sont différentes et que nous, on n'arrive pas à distinguer avec nos yeux de clinicien et que l'application arrive à faire. Donc voilà, ça, c'est la dysmorphologie faciale. C'est fou. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne sait pas précisément qu'est-ce qui se passe au niveau du développement pour avoir toujours ce même gestalt, ces particularités morphologiques. On ne sait pas pourquoi, de la même façon, on ne sait pas pourquoi on ressemble à nos parents. Bon, ben voilà, c'est un petit peu l'idée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du développement pour expliquer la dysmorphologie faciale. Donc voilà, donc quand on a fini notre examen clinique, eh ben, soit on a un diagnostic précis en tête à l'issue de l'examen, et donc on va aller séquencer et regarder uniquement un gène, voire une mutation. Donc par exemple, pour la chondroplasie dont je parlais tout à l'heure, donc ce que je disais, c'est la forme de nanisme la plus fréquente, ben, c'est la même mutation dans plus de 90-95% des cas. Donc on peut aller juste regarder directement cette mutation et confirmer le diagnostic chez le patient. Puis si on n'a pas d'idée, ou alors c'est plus flou, on ne sait pas trop, ben on peut aller séquencer d'emblée soit l'intégralité de l'exome, donc c'est toutes les parties codantes de l'ADN, ou séquencer d'emblée le génome, donc c'est la lecture complète qui va aussi inclure les introns. Je reviendrai un peu dessus un peu plus tard, quand on parlera du laboratoire et de la partie génétique biologique. Et donc, finalement, une fois que tu as lancé ces analyses, j'imagine que ça prend du temps. Enfin, les génomes, aujourd'hui, on les séquence rapidement, mais j'ai souvent entendu, par rapport à des amis qui avaient des diagnostics, enfin, qui ont eu des grossesses avec des diagnostics et des choses comme ça, que ces analyses prennent en général du temps. Donc, lorsque tu lances les analyses, tu revois les patients avec le résultat. Ensuite, j'imagine, quels sont les délais ? C'est vrai que c'est long. On parle de plusieurs mois en général, donc quand on arrive à avoir un diagnostic, parce qu'en fait il y a beaucoup de cas où on ne trouve pas, mais on a des patients qui vont attendre des fois quelques mois et parfois plusieurs années. Donc en fait quand on va rendre le résultat, on appelle ça une consultation d'annonce, c'est un moment privilégié avec le patient, c'est souvent des consultations très intenses puisque ça peut survenir après des cas d'années d'errance diagnostique. Et donc là, c'est très important pour nous, pour le patient, de vulgariser, voilà, d'arriver à expliquer ce qui s'est passé, expliquer le diagnostic avec des mots simples et surtout, on utilise plusieurs outils. Donc par exemple, moi, j'utilise beaucoup de schémas pour montrer qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule. Puis, j'aime bien utiliser, par exemple, l'exemple de la recette de cuisine pour expliquer les anomalies. Donc, en fait, ce que je vais expliquer aux patients, par exemple, c'est que je compare notre génome à une immense encyclopédie. Et puis, dedans, on a plein de livres de recettes de cuisine. Et ça sert à fabriquer toutes les protéines qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et puis, si on suit bien la recette, on a le produit, donc la protéine, qui va bien et tout fonctionne bien. Et donc, en fait, on va comparer les chromosomes au livre de recette. Donc, on va dire, on a un chromosome, c'est un livre. Bon, on a 23 livres qui sont en deux exemplaires chacun. Et puis, on a des variations d'un livre à l'autre. Et donc, quand on a des anomalies au niveau chromosomique, on va parler d'anomalies au niveau du nombre de pages. Donc, par exemple, je vais prendre mon livre numéro 2 et en fait, il y a une page en moins. Et donc, on comprend bien que si on est en train de suivre une recette de cuisine et que si j'enlève une page entière, je vais vraiment avoir du mal à fabriquer ma protéine. Et inversement, des fois, on va avoir une page en plus, la même page qui est lue deux fois. Alors là, c'est plus compliqué d'interpréter parce que est-ce que si je lis deux fois la même page, je vais rajouter deux fois du sucre? Ou alors est-ce que je vais comprendre que c'est deux fois la même chose et ne pas prendre en compte cette partie? Donc, quand on a une duplication, c'est un peu plus compliqué à interpréter. Donc ça, c'est pour les variations à l'échelle du chromosome. Et puis, on a aussi des variations à l'échelle du gène. Donc là, c'est la variation au niveau de la recette en elle-même. Donc c'est quand on va, par exemple, changer une lettre par une autre. Mais est-ce que le fait d'avoir cette variation, elle va avoir un effet qui est bénin ou est-ce qu'il va avoir un effet qui est pathogène, on appelle. Donc, est-ce que la variation, elle va avoir un impact ou non? Ça, c'est plus difficile à comprendre. Et du coup, ben, par exemple, je prends l'exemple de la recette du gâteau au chocolat. Donc, je sais qu'il me faut 100 grammes de beurre. Bon, bah, si j'enlève un R à beurre, je vais pouvoir comprendre la recette et je pourrais tout aussi bien faire le même gâteau, sans impact au final. Mais par contre, donc là, ça va être l'exemple d'une variation bénigne. Et puis, si j'enlève un 0 aux 100 grammes de beurre et que je mets 10 grammes au lieu de 100 grammes de beurre, bah, cette fois, le résultat final, il va être très différent. Ou un kilo. Mon gâteau, ça ne va pas être le même. Voilà, mais dans exactement. Ce cas-là, ça fera un coup de Niaman. Donc voilà, donc c'est ce moment où c'est important, je pense, qu'on vulgarise pour permettre d'expliquer aux patients et aux parents de bien se représenter ce qui s'est passé. Alors c'est drôle parce que en biologie du développement, on utilise, enfin j'avais utilisé cette analogie aussi dans l'épisode La recette des êtres vivants. C'est vraiment une analogie qu'on utilise parce qu'effectivement le génome c'est un peu un livre et puis ensuite le développement, ce qui est ce que tu regardes aussi finalement, c'est la recette pour permettre de faire un être vivant. Je voulais juste te couper 2 minutes parce qu'on a quelques questions. Donc, une question dans la chat room de quelqu'un qui nous demande est-ce que c'est éthique d'utiliser Face to Gene sur la base de photos perso de tous ses amis? Bonne question. Alors, vous n'êtes pas censé utiliser cette application, ses ancêtres, que dans un cadre diagnostique. Donc, vous n'êtes pas censé l'utiliser sur vos amis. Après, je pense qu'en théorie, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, mais. La probabilité que vos amis soient atteints de quoi que ce soit est assez faible. Et puis surtout, quand on l'utilise sans orientation, en général, il va quand même vous sortir tout un tas de listes de syndromes avec des probabilités très faibles. Donc, je ne suis pas sûre que ça vous serve beaucoup. Alors, Johan, tu avais une question, je crois, aussi. Oui, j'avais une question sur... Donc là, toi, tu as parlé beaucoup de maladies, donc j'imagine la plupart des patients qui viennent dans ton bureau, c'est des gens qui savent qu'ils ont... Enfin, où il y a une grosse suspicion qu'il y a une maladie génétique. Est-ce qu'il y a encore des maladies où on pense qu'elles sont génétiques, mais on n'en est pas totalement sûr, ou des maladies où on ne sait vraiment rien? Enfin, on ne sait pas si elles sont génétiques ou pas. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a encore énormément à connaître, hein, mais oui, notamment, il y a des maladies, il y a des groupes de pathologies où, par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie où on a une dégénérescence des neurones moteurs au niveau de la partie latérale de la moelle épinière. C'est des maladies où, dans 80% des cas, la cause, elle n'est pas génétique. On a 10% des cas où la cause est génétique. Mais du coup, on peut avoir un patient qui vient nous voir avec cette pathologie et on va essayer de voir si la cause est génétique ou pas. Mais dans 80% des cas, c'est des causes dont on n'a pas encore identifié les tenants. Et c'est des causes multifactorielles probablement, par environnemental, on ne sait pas très bien. Donc on a ces cadres-là. Et puis après, on a des contextes où en effet, on n'a pas trouvé de réponse, on ne sait pas. Et du coup, savoir si la cause est génétique ou pas, c'est difficile. Oui, on a aussi tout un contexte de pathologie du développement embryonnaire où les causes ne sont pas génétiques. On va par exemple avoir des brides amniotiques qui vont couper un membre au niveau du développement du bébé. Donc, est-ce que si on a un membre en moins, la cause elle est liée à une bride donc qui a coupé le membre au moment du développement, ou alors est-ce que c'est une cause génétique? Voilà, on a les deux possibilités complètement. Et Cléora avait une question aussi, je crois. Oui, tu parlais carrément de membres qui n'est plus là, en fait. Et aussi, tu as insisté sur la clinique, comme quoi ça se voyait sur le visage et physiquement, en fait. Mais c'est la majorité des maladies génétiques comme ça? Ou ça se voit physiquement? Qui ont... Non, la majorité, c'est difficile à dire. Disons qu'une grosse partie des patients avec des syndromes génétiques. Donc un syndrome, on appelle un syndrome une association de symptômes. Donc quand on a plusieurs organes qui sont touchés, souvent on va avoir une dysmorphologie faciale associée. Non, après il y a plein de pathologies d'organes où on va avoir juste un organe affecté et où on ne va pas avoir de répercussions au niveau de la dysmorphologie faciale. Donc non, ça ne marche pas dans tous les cas. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup parce que, comme je disais, la majorité de nos patients sont des enfants avec des syndromes polymalformatifs. Et dans ce cas, on a très souvent des signes cliniques qui vont nous orienter, mais c'est pas toujours le cas. pathologie génétique qui touche uniquement le cœur, on va pas avoir d'autres répercussions au niveau de l'examen clinique, par exemple. Et du coup, dans tes consultations, puisque ça a l'air quand même très complexe, il me semble que tu es souvent accompagné d'un conseiller en génétique, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, complètement. Donc, c'est un métier où, en fait, c'est donc... pour accéder au métier de conseiller en génétique, il faut qu'il passe par un master en conseil génétique. Donc, en général, ils font une licence en biologie et ensuite, ils font 2 ans de master en conseil génétique. Et en fait, donc les conseillers en génétique nous aident à accompagner les patients et les familles. Donc, ils ont un rôle majeur de prise en charge des apparentés, on appelle ça, donc de prise en charge de la famille. Une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est eux qui vont expliquer, puis réaliser les enquêtes familiales chez les apparentés pour savoir est-ce que les parents sont également porteurs des variations. Et puis ensuite, on va voir par exemple un cousin qui veut savoir connaître son statut vis-à-vis d'une mutation. Donc, il va aller voir directement un conseiller en génétique. Et puis, les conseillers en génétique, ils nous aident. Ils ont un rôle qui est majeur, notamment dans le contexte prénatal. Donc, pour aider à encadrer les analyses génétiques. Et là, on a diverses portes d'entrée dont on reparlera après. Et ils ont un rôle qui est très important dans le cadre du conseil génétique en pré-symptomatique également. Donc, le contexte pré-symptomatique, c'est quand on est porteur d'une variation génétique, d'une mutation, mais on n'a pas encore développé les symptômes. Et donc, on cherche à savoir son statut vis-à-vis de la maladie pour savoir est-ce qu'on est porteur, est-ce qu'on est à risque ou non de développer la maladie. Et en fait, on a 2 contextes. On a un contexte qu'on va dire actionnable, donc où on a la possibilité de faire des actions thérapeutiques ou préventives dessus. Donc, il y a un exemple que vous connaissez probablement qui est en oncogénétique. On va avoir un patient qui va être porteur d'une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2, donc avec un haut risque de cancer du sein ou de l'ovaire. Et donc, si on sait que, par exemple, la mère est porteuse, on peut aller regarder la présence de la mutation chez ses filles. Et puis, si elles sont porteuses, on va pouvoir faire une action préventive avec un retrait des glandes mammaires. Ou par exemple en cardiogénétique, il y a des maladies avec des troubles du rythme cardiaque qui sont héréditaires. Pareil, on va pouvoir proposer des traitements préventifs si on sait qu'on est porteur de cette mutation. Et après, il y a un contexte présymptomatique qui est plus compliqué d'un point de vue éthique notamment, qui sont les contextes des maladies non actionnables. Donc là où on n'a pas de... On peut rien faire, hein, globalement, c'est des œuvrants, alors. Des petites choses, mais on n'a pas de thérapeutique. Par exemple, je pense à une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative qui se déclenche vers 40 ans. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de traitement pour cette maladie. Et on sait que la pénétrance est complète. Donc, ça veut dire qu'à passer un certain nombre de répétitions à l'intérieur du gène, on sait qu'on va déclencher cette maladie. Et c'est une maladie qui est transmission autosomique dominante, donc 50% de risque de la transmettre. Et donc, quand on la déclenche à 40 ans, la question des enfants, souvent, c'est des patients qui ont déjà des enfants. Donc, la question pour eux se pose de savoir s'ils veulent savoir s'ils sont porteurs ou non de la variation dans le gène, puisque, du coup, ça va poser une question pour eux qui est avoir un petit peu une épée de Damoclès quelque part. Donc, c'est des questions qui sont très compliquées, c'est des discussions longues où on fait des consultations en trio avec un conseiller en génétique et une psychologue. On a plusieurs prélèvements qui sont réalisés, voilà. Donc, on a ces contextes-là où notamment on travaille beaucoup avec les conseillers en génétique. Oui, alors avec, j'imagine, des histoires aussi personnelles qui sont vraiment, vraiment très compliquées émotionnellement et pour le futur et l'avenir des familles. Tu viens de nous parler de la maladie de Huntington, donc qui est une maladie extrêmement grave, étant donné qu'on ne peut pas la guérir et qu'elle se termine sans arrêt par la mort. À côté de ça, tu nous as aussi parlé des maladies liées, par exemple, liées à la voie EDA et ce genre de choses, qui sont problématiques avec des problèmes morphologiques et de sudation, mais qui sont moins graves. Est-ce qu'on peut prédire la gravité des pathologies génétiques et je pense notamment en prénatal? Est-ce que lorsque tu identifies un problème, tu peux te dire à quel point ça va être grave ou pas. J'imagine que pour certaines, tu peux, mais pas pour tout. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour certaines pathologies génétiques, on a des éléments pronostiques. Il y en a où on connaît très bien les évolutions des maladies. Il y en a où c'est beaucoup plus difficile de prédire parce qu'on a des fois des pathologies avec des présentations extrêmement variables. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions dans le contexte prénatal. Puisque ben en fait on a plusieurs contextes quand on voit des patients en prénatal, donc des femmes enceintes, quand on reçoit un couple, il y a le conseil, le contexte du conseil génétique où le couple vient et veut éviter la récidive d'une pathologie génétique, donc soit parce qu'ils sont porteurs eux-mêmes, atteints eux-mêmes, ou alors parce que on est dans le cadre d'une transmission récessive et il y a eu un premier enfant atteint et il y a 25% de risque de récidive. Donc là, ils veulent éviter la récidive d'une pathologie. Donc, on va proposer des tests en prénatal, des tests génétiques, qui peuvent être soit des tests invasifs, donc notamment avec l'amniosynthèse que vous connaissez peut-être, donc c'est le prélèvement du liquide du placenta, ou alors on a des tests qui sont non-invasifs, donc avec ce qu'on appelle le DPNI, le dépistage prénatal non-invasif, où on peut rechercher les mutations à l'intérieur de l'ADN fœtal sur le sang maternel. Ça veut dire qu'on arrive à regarder sur le sang de la mère directement. Ensuite, on a le contexte du cadre diagnostique prénatal, donc où on va avoir les gynéco-obstétriciens ou les sages-femmes qui, à l'examen de la patiente, vont identifier des anomalies à l'échographie. Eh bien, du coup, nous, on va chercher à identifier la cause génétique, essayer de comprendre ce qui se passe, si c'est une anomalie du développement, essayer d'expliquer, de trouver le diagnostic avant la naissance et de pouvoir donner des éléments pronostiques, en sachant que, ben voilà, il y a des syndromes où on sait qu'on a une présentation qui est dans 100% des cas extrêmement sévère, et puis il y en a où on a, par exemple, un risque de 30% de déficience intellectuelle. Donc, ça veut dire que dans 70% des cas, ben, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Voilà, c'est des grandes discussions là aussi. Et donc, si jamais il y a un souhait de ne pas transmettre une pathologie ou d'éviter une récidive, ou que voilà, le fœtus est atteint d'une pathologie dont le pronostic est sévère, les parents peuvent demander une interruption médicale de grossesse, quel que soit le terme. En pratique, c'est très encadré. Hein. On a un texte de loi qui dit que il faut qu'il y ait une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et donc, ces demandes d'interruption médicale de grossesse, elles doivent être validées dans le cadre d'une réunion qui s'appelle Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Donc, en fait, en soi, c'est une réunion pluridisciplinaire où on se réunit toutes les semaines avec des gynécologues obstétriciens, donc des généticiens, des pédiatres de différentes surspécialisations, cardiopédiatres, endocrino, néonatologie, neurologie, néphrologie, etc. Et donc, à l'issue de ces discussions, on valide les demandes des parents d'interrompre une grossesse si on est dans un contexte qui le justifie. Donc, en fait, on a tout un contexte éthique qui est très important. Notamment, c'est vrai que les généticiens sont regroupés, par exemple, au sein de la Fédération française de génétique, et ils participent à établir des recommandations, des groupes de travail pour les révisions sur les lois de bioéthique. Et donc, ils vont donner, par exemple, des recommandations et, par exemple, deux grands contextes que vous connaissez probablement. Il y a le contexte d'éviter la dérive eugénique, donc la place du dépistage là-dedans. Est-ce que quand on cherche à éviter la survenue de maladies génétiques, est-ce qu'on risque pas d'aboutir à des dérives eugéniques? Est-ce que c'est au détriment d'une politique globale où on va avoir du mal à accepter le handicap dans la société? Voilà. Et après, il y a toutes les questions des données secondaires. Donc, c'est quand on tombe sur des anomalies génétiques, on fait un test génétique et on tombe sur une anomalie qui n'est pas en lien avec l'indication du test. initiale et pour laquelle on n'a pas de symptômes. Donc, par exemple, on va regarder qu'est-ce qui fait la malformation du cœur du bébé, et puis en fait, on tombe sur une variation dans le gène BRCA1 de prédisposition au cancer du sein. Bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce qu'on transmet l'information aux parents, aux patients? Est-ce qu'on le fait que lorsqu'on trouve une anomalie sur lesquelles on peut faire un acte de soin ou de prévention? Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions éthiques qui rentrent en jeu également dans notre contexte de consultation. Ouais, c'est un peu finalement ce que le film Gattaca nous disait. Une espèce de futur qui serait que est-ce qu'on peut séquencer le génome de toute personne et savoir finalement à quoi on s'expose. Alors justement, tu viens de nous parler de bioéthique et de séquençage notamment. J'ai l'impression quand même, quand je t'entends parler, que cette discipline est vraiment liée à l'avancée technique qu'on a. Donc que ce soit le séquençage, que ce soit, j'imagine aussi, les technologies CRISPR qui permettent d'éditer l'ADN, ce genre de choses. Est-ce que tu as aussi cette impression pour ta discipline et quelles sont les avancées qui te semblent particulièrement prometteuses? Oui, complètement. C'est vertigineux. Enfin, si on reprend l'historique des évolutions en génétique biologique, on est exponentiel sur la vitesse à laquelle on arrive à développer des nouvelles techniques. Et donc, si je reprends un petit peu l'histoire et puis comment ça fonctionne justement en génétique biologique au labo. On a deux pans, on a ce qui s'appelle la cytogénétique, donc c'est l'étude au niveau des chromosomes. Et donc initialement, on faisait et on fait encore des études de karyotype. Donc le karyotype, le principe, c'est qu'on va classer les chromosomes par paire de karyotypes en fonction de leur taille. Donc les chromosomes 1 à 22, puis XY. Et ça permet de voir des grosses anomalies, des anomalies de nombre. Donc, par exemple, un chromosome entier en plus, trisomie 21, ou un chromosome Y en moins, un chromosome sexuel en moins. Donc, par exemple, avoir un seul chromosome X, ça s'appelle le syndrome de Turner. On peut aussi voir au karyotype des anomalies de structure, si elles sont très grosses. Donc, par exemple, des délétions, donc un morceau de chromosome en moins qui va être très, très important, ou une grosse duplication, un morceau en plus, des translocations, donc un bout d'ADN qui part à un autre endroit. Donc ça, c'est le karyotype. Et puis ensuite, on a développé une nouvelle technique qui permet d'avoir une résolution bien meilleure, qui s'appelle la CGH-array. Donc CGH-array, c'est pour hybridation génomique comparative sur micro-réseau d'ADN. On appelle ça aussi analyse chromosomique sur puce à ADN. Puce, pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser de très nombreuses sondes, donc des dizaines de milliers de sondes, qui vont cibler des régions différentes dans le génome. Et donc, on va, par exemple, prendre tout l'ADN du patient, on va mettre des sondes en rouge, et puis on va prendre l'ADN témoin et on va mettre des sondes en vert. Et on va les mettre ensemble et on va comparer le nombre de copies. Donc, en fait, si on a autant d'ADN chez le patient que chez le témoin, on va avoir un mélange du rouge et du vert, donc on va avoir la sonde qui va être jaune. Puis si on a plus d'ADN chez le témoin, on va avoir une sonde qui va s'allumer en vert. Donc on sait qu'on va avoir une délétion chez le patient. Et inversement, si on a plus d'ADN chez le témoin, voilà, ça va s'allumer en rouge. Donc on sait qu'on a une duplication, on a plus de matériel chez le patient. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne la CGH-array. Et donc ça permet de voir avec une résolution bien meilleure que le karyotype des délétions ou des duplications à des niveaux assez fins. Donc l'idée, c'est arriver à prendre la bonne focale pour savoir est-ce qu'il faut que je regarde à un niveau plus large ou un niveau plus zoomé. Donc ensuite, on a les techniques dont je parlais tout à l'heure de DPNI, donc dépistage prénatal non invasif. Donc c'est sur le sang maternel. Quand la mère est enceinte, dans son sang, on arrive à retrouver à la fois un mélange de l'ADN maternel et puis un mélange avec de l'ADN fœtal. Et donc, c'est l'ADN qui vient des cellules du placenta initialement. C'est des tout petits fragments d'ADN qui circulent librement en dehors des cellules. Et donc, cet ADN, il n'a pas de fonction connue pour l'instant. Et c'est probablement issu de la dégradation des cellules. Et en fait, on peut le détecter dès la 7e semaine de grossesse, donc c'est assez tôt. Et puis, on sait que la quantité d'ADN fœtal qu'on va détecter sur le sang de la mère va augmenter au fur et à mesure de la grossesse. Donc, on a on va arriver à mieux détecter en milieu et fin de grossesse, bien évidemment. Le but, c'est de détecter tôt. Et en fait, on l'utilise aujourd'hui couramment en diagnostic pour le dépistage de la trisomie 21. Mais ça peut permettre aussi, ben, par exemple, de déterminer le sexe fœtal. Donc, dans le cadre de pathologies liées à l'X, dont je parlais plus tôt, ben, on peut savoir si on a un enfant qui est un garçon et que, par exemple, on sait que le garçon va forcément être atteint. Ça permet d'avoir un diagnostic rapide ou bien d'éliminer la présence d'une mutation si elle est d'origine paternelle, notamment. Et bientôt, on sera même capable de distinguer l'origine de la mutation si elle vient de la mère également. Donc, on est en train d'arriver à faire du diagnostic sur le sang maternel, donc pour éviter les prélèvements invasifs. On arrive à faire du diagnostic sur prélèvement de la mère. Donc ça c'est toute la partie cytogénétique, et puis après on a tout l'autre pan de la génétique biologique en séquençage, en biologie moléculaire. Donc initialement dans l'historique, on faisait la méthode de séquençage par Sanger, donc ça permet de séquencer un tout petit fragment d'ADN. Aujourd'hui, c'est quasiment plus utilisé. On le fait encore pour aller rechercher une mutation précise, une mutation qu'on connaît déjà, soit dans le cadre d'une enquête familiale, soit par exemple dans la maladie dont je parlais tout à l'heure, la chondroplasie, où on sait que c'est toujours la même mutation. Bah, on va aller directement regarder cette mutation en Sanger. Après, on a la possibilité de faire des séquençages de panels de gènes. Donc, on va regarder un groupe de gènes qui ont été choisis, soit parce qu'ils sont groupés en fonction du même phénotype. Donc, on va avoir, par exemple, tous les panels de gènes de maladies osseuses, ou alors un groupe physiopathologique. Donc, on va avoir, par exemple, le panel ciliopathie. On va regarder uniquement des gènes qui codent pour des protéines impactant le cil primaire, par exemple. Et après, on peut aller séquencer l'exome. Donc là, on va séquencer toutes les parties codantes des 23 000 gènes. Et ensuite, on va, en s'aidant des cliniciens, on va essayer de trouver la mutation on peut screener derrière, hein, et puis regarder quand même un groupe de gènes à l'intérieur de l'exome. Et aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui et de demain, on va dire, c'est le séquençage entier du génome. Donc il y a un grand plan en France qui s'appelle le plan France Médecine Génomique, dont le but est de faire du diagnostic chez les patients uniquement par de l'analyse de génome. On sait que l'analyse de génome est un peu plus compliquée à réaliser parce qu'il y a des portions qui sont difficiles à analyser, difficiles à interpréter. Il y a des régions répétées, par exemple, qui sont très difficiles à séquencer. Les régions introniques, intergéniques, on a du mal à interpréter. Donc, c'est un peu les challenges de demain. Donc, on a deux laboratoires de séquençage de génome d'un point de vue diagnostique en France, qui sont des plateformes nord de la France, sud de la France, donc c'est Sequoia et Oragène. Pour l'instant, il y a 5000 diagnostics, je crois, qui ont été rendus dans ces trois dernières années. Et donc, une fois qu'on a séquencé et qu'on a trouvé des mutations, l'idée, c'est l'interpréter. Donc, est-ce que la variation qu'on a trouvée, elle est bénigne? Donc, est-ce qu'elle a finalement aucun impact sur la protéine, ou alors est-ce qu'elle est pathogène, est-ce que c'est elle qui est responsable de la pathologie. Et donc, on va utiliser un faisceau d'arguments. On va regarder la fréquence de la population, de la variation en population générale. Si elle est très rare, c'est plus susceptible d'être responsable. Alors que si elle est très fréquente en population générale, on va plutôt l'éliminer. On va regarder l'impact de la variation sur la protéine. On va regarder si elle a déjà été décrite dans la littérature. On va regarder l'arbre généalogique. Est-ce qu'il y a une ségrégation au niveau de la famille? Toutes les personnes atteintes sont porteuses de la mutation, etc. Donc on va essayer de faire notre rendu de résultats basé sur ces faisceaux d'interprétation. Et par exemple, quand on trouve pas, on peut utiliser des outils supplémentaires. Par exemple, on a un outil quand on va trouver une mutation dans un gène, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle fait, et on n'a pas assez d'éléments pour rendre le résultat, on peut la mettre sur une base de données qui s'appelle Gene Matcher. Moi, j'appelle ça le Tinder de la génétique, où en fait, on va dire, moi, j'ai un patient, il a ça, il a cette mutation, et on va avoir des gens dans le monde qui vont nous contacter en disant, moi, je suis au Japon, et je trouve que j'ai un patient, il a un phénotype similaire, que j'ai aussi une mutation à peu près la même ou parfois carrément la même, on va se mettre en commun et ça va, c'est des outils d'aide avec les réseaux en fait pour arriver à préciser et puis à aboutir à un rendu diagnostique pour le patient. Et j'imagine que tu peux aussi peut-être croiser avec des bases de données de souris mutantes et des choses comme ça qui peuvent aussi avoir des phénotypes qui peuvent nous renseigner. Tout à fait. Alors, tu parles de rendement diagnostique. Donc, il me semble que c'est un peu le... Quand tu parles de rendement diagnostique, c'est un peu à quel point ton diagnostic va aboutir ou pas. Ce que tu as l'air de dire, c'est qu'on a des cas où on ne trouve pas. On ne connaît pas la cause de la maladie. Je me demandais ce qui se passe pour ces patients. On a plusieurs cas. Donc, soit en effet, on a une mutation et on ne sait pas si elle est responsable, soit on a un patient chez qui on n'a vraiment rien trouvé. Là, dans ce cas, on va utiliser nos réseaux. Donc, on va demander des avis auprès des collègues en local. On peut demander au niveau régional. On a des réunions par thématique. Puis on a des réunions aussi au niveau national, donc on a pas mal d'associations, on a l'association des internes et jeunes généticiens, ça s'appelle la SIGF, qui est assez active et qui organise tous les troisièmes jeudis du mois, l'après-midi, des présentations de cas cliniques. Le matin, on se réunit, le matin, on a des présentations autour d'un thème, et puis l'après-midi, on va présenter des cas cliniques. Et donc, on va essayer de présenter des cas où on n'a pas de diagnostic pour essayer d'avoir des avis des autres généticiens, dire, moi, ça me rappelle tel patient, et puis on va se mettre en commun et on va aboutir à un diagnostic ensemble. Après, on a des cas où, dans le cas où on a trouvé une mutation et où on ne sait pas si elle est responsable ou non, on va partir plus en recherche. Et donc là, on va essayer de comprendre est-ce que cette mutation, elle a un impact sur la protéine. Donc, on peut aller faire ce qu'on appelle des tests fonctionnels. On peut faire tout un tas d'analyses en recherche pour essayer de préciser l'impact de la variation. On peut faire des analyses de transcrits, donc du RNA-seq, des analyses d'ARN. On peut faire des analyses de signatures épigénétiques, du méthylome, des choses comme ça, plutôt sur le versant recherche, du coup, pour essayer d'aboutir à un diagnostic et puis finalement de publier derrière et puis d'apporter des réponses non seulement pour son patient, mais aussi peut-être pour des patients qui sont à l'autre bout du monde. Et on va avoir des généticiens qui vont se poser les mêmes questions. Alors, pour nos éditeurs qui ne sauraient pas nécessairement ce que c'est que le RNA-seq, les méthylomes, des choses comme ça, c'est l'ensemble de tout ce qui est pas nécessairement forcément le génome, mais qui a trait à la variation d'expression des gènes, les modifications de l'ADN, qui sont tout autant de choses qui peuvent aussi produire des maladies, des différences morphologiques et des choses comme ça. Donc, en fait, on a souvent tendance à voir le génome comme quelque chose, l'unique responsable de problèmes qu'on peut avoir, mais en fait... Il y a tout ce qui a trait à l'expression du génome qui peut aussi être, produire énormément de dysfonctionnements et de maladies. On a une question liée un peu à l'éthique finalement, et je pense à la diffusion des résultats. Quelqu'un dans la chatroom nous dit « Mon enfant avait une maladie inconnue, ils m'ont séquencé à l'hôpital, mais impossible d'obtenir la copie de ma séquence. Alors les patients séquencés, est-ce que vous leur donnez les séquences ou non ?» Je pense que plus largement, est-ce que tu donnes finalement tous les résultats à tes patients ? Non, on ne donne pas l'accès aux séquences aux patients. C'est des données qui sont très protégées et très encadrées. Ce qu'on donne aux patients, c'est un rendu de résultat. Donc, c'est une lettre. Dessus, il va y avoir écrit la mutation qu'on a trouvée et qu'on considère être responsable de la pathologie. C'est une lettre de rendu de résultat. Mais on ne donne pas la séquence, on donne pas les données de génome aux patients. Ça, non. Oui, j'imagine, parce que comme tu l'as expliqué, c'est extrêmement compliqué d'analyser un résultat sur la base d'une seule séquence, donc ce ne serait pas forcément utile en plus aux patients qui n'auraient pas nécessairement les compétences pour comprendre. C'est aussi pour les protéger, c'est des données très sensibles et qui peuvent avoir des impacts. D'un point de vue éthique, c'est des données qu'on ne peut pas se permettre de diffuser. Ouais, c'est dangereux et bien sûr. Alors, tu nous as beaucoup parlé de maladies qui sont liées à des mutations, pas toujours, mais en grande majorité. Et souvent, comme on ne sait pas encore corriger le génome, la plupart sont incurables. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de maladies qu'on peut traiter et d'autres qui sont incurables? Parce que j'imagine que suivant la sévérité de la mutation, bah, on peut quand même un peu traiter le problème. Et dans d'autres cas, bah, notamment tu parlais de la mucoviscidose, on parle souvent de gens qui meurent de cette maladie. Que fait-on dans ces cas-là quand c'est incurable? Et peux-tu nous donner des exemples de maladies qu'on peut par contre traiter? Bah, en effet, hein, beaucoup de maladies incurables en génétique, où on ne va pas avoir donc, de traitement curatif, donc on ne va pas pouvoir soigner. Par contre, on a toute une prise en charge thérapeutique du patient, d'accompagnement, des traitements de support, et on a notamment un effort qui est fait depuis plusieurs années avec la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour réaliser ce qui s'appelle des PNDS, c'est des plans nationaux de diagnostic et de soins, où on va établir des recommandations pour le suivi, la prise en charge de chaque syndrome, donc on va essayer d'avoir des prises en charge spécifiques en fonction de ce qu'on connaît de la pathologie, de ce qui a été décrit dans la littérature, de ce qu'on doit surveiller chez les patients. Donc voilà, on va essayer d'établir ces PNDS pour un grand nombre de maladies rares. C'est plus difficile en effet pour les maladies ultra rares, puisque quand on a trois cas, bon, c'est difficile de faire des généralités. Mais au global, quand on est dans des contextes de maladies incurables, on essaie d'avoir ces prises en charge globales, et c'est un suivi, un accompagnement, où on a quand même des petites choses qu'on peut faire, et en tout cas d'être toujours présent, toujours là avec le patient. Et après, ben, on a des traitements spécifiques en fonction des pathologies. Parce qu'on a identifié des mutations, parce qu'on a compris la cause de la pathologie, on peut avoir un traitement spécifique. Donc, par exemple, si je prends une maladie qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville, en fait, c'est une maladie qui va être responsable notamment d'épilepsie. Et donc, on a la formation de tubères à plusieurs endroits du corps, notamment au niveau du cerveau. Ces épilepsies, on sait qu'on peut les soigner en donnant des traitements qui sont des inhibiteurs d'une voie de signalisation en particulier, qui s'appelle la voie mTOR, parce qu'en fait, on sait qu'on a une hyperactivation de cette voie dans le cas de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, parce qu'on a trouvé la variation dans le gène responsable, on sait qu'on va pouvoir donner ce traitement spécifique. Un autre exemple, c'est la phénylcétonurie, c'est une maladie métabolique, donc c'est une maladie des acides aminés, où en fait on va avoir un taux qui est très élevé d'un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine, parce qu'en fait il manque une enzyme qui est la phénylalanine hydroxylase, et en fait c'est une maladie dont on fait le dépistage en néonatal, on fait le dépistage sur buvard, et en fait on a un traitement spécifique à proposer, donc on va essayer de dépister la maladie très tôt, où on va proposer un régime qui va être pauvre en phénylalanine avec un mélange d'acides aminés. Puis on a des voies thérapeutiques avec des traitements par enzymothérapie substitutive, où on sait que comme telle enzyme ne fonctionne pas, on va essayer de remplacer et donc de donner directement l'enzyme qui est manquante. Après, on a différents essais cliniques ciblés sur plusieurs maladies rares. Donc, par exemple, si je reparle encore de la chondroplasie, on sait que dans cette maladie, il y a une hyperactivation d'une enzyme, d'une tyrosine kinase. Et donc, on va essayer de proposer des essais thérapeutiques avec des traitements qui vont utiliser des inhibiteurs de cette tyrosine kinase. Ensuite, on a toute la partie thérapie génique qui se développe de plus en plus. Donc il y a un exemple, on va dire le plus fréquent, qui est l'utilisation d'oligonucléotides antisense. Donc ça c'est dans certaines maladies musculaires, dans la dystrophie de Duchenne. La maladie de Duchenne, c'est une maladie où en fait on a une mutation dans un gène qui s'appelle la dystrophine. La dystrophine, c'est une protéine qui est à la membrane de la cellule musculaire. Et en fait, c'est responsable d'un phénotype qui est très sévère, où on va y avoir une dégénérescence au niveau des muscles, avec un déclenchement pendant la petite enfance, une perte de la marche, et puis souvent un décès avec des complications respiratoires avant 20 ans. Et en fait, on a des mutations dans le même gène qui sont responsables d'une forme beaucoup plus modérée, qui s'appelle la maladie de Becker, où cette fois, on va avoir une perte de la marche plus tardive, avec une forme musculaire moins sévère. Et en fait, ce qu'on sait, c'est donc les deux sont liés à des mutations dans ce gène de la dystrophine. Et en fait, dans le cadre de la forme du chêne, on a une absence totale de la protéine. Donc la protéine, la dystrophine, n'est pas produite. Alors que dans le cadre de la maladie de Becker, qui est la forme plus modérée, la dystrophine, elle est produite, soit elle est anormale, soit elle est en quantité insuffisante. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau génétique dans la maladie de Duchenne? On a des mutations où en fait on va avoir une partie du gène qui va complètement être manquante, par exemple. Donc on va avoir une mutation dans un exon qui va entraîner donc l'absence totale de production de la protéine. Et du coup, la thérapeutique, ça va être c'est l'utilisation d'un oligonucléotide, donc toute petite paire de bases qui vient se poser comme un patch moléculaire et qui vient masquer l'exon où se trouve la mutation. Et donc en fait, la cellule, elle, au lieu de ne pas fabriquer la protéine, elle va fabriquer une protéine où il va manquer cet exon qu'on cache. Et du coup, on fabrique une protéine qui n'est pas normale, mais qui est fonctionnelle. Et on va rapprocher le patient d'une forme de maladie qui se rapproche de la forme de la maladie de Becker. Et donc, ça permet d'atténuer les symptômes. Donc, encore une fois, on est parti de la génétique et puis bon, on arrive à proposer des traitements. Le futur, ça sera probablement l'édition du génome. Donc, c'est pas encore le cas hein, aujourd'hui chez l'homme. C'est les technologies que vous connaissez de CRISPR-Cas9, hein, édition génomique. Il y a quelques essais thérapeutiques dans certaines maladies rares qui vont arriver. Il y a quelques techniques qu'on appelle ex vivo. Donc, on va sortir les cellules, on modifie le génome en utilisant CRISPR-Cas9 et on va réimplanter les cellules. Donc, par exemple, je sais qu'il va débuter un essai thérapeutique dans le cadre d'une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, où en fait, on va modifier les cellules du foie. Donc, on va sortir les cellules du foie, essayer de réparer l'ADN et puis re-rentrer ces cellules. Mais on est vraiment au balbutiement de tout ça. L'innocuité n'est pas encore évaluée, donc c'était pas pour demain l'édition du génome chez l'humain. Mais donc, il faut le faire dès le début, parce qu'il faut sortir toutes les cellules donc d'un organe concerné, par exemple, c'est ça? Pour ça que là, pour l'instant, les premiers essais vont être sur des pathologies d'organes, donc où on sait que, par exemple, le foie se renouvelle très vite. Donc, si c'est une pathologie qui touche que le foie, si on implante des cellules du foie où on a corrigé la pathologie, on peut arriver à fixer les cellules réparées, on va dire, sur une pathologie d'un organe. Mais en effet, si on voulait faire ça au niveau du développement, il faudrait agir à des stades embryonnaires très précoces. Oui, donc limite en pré-implantatoire, mm-hmm. en fait. Et juste pour revenir à ce que tu disais très rapidement sur le corriger un exon, donc pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ces mots-là, en gros, l'idée, c'est que les protéines, c'est un peu comme des Legos avec différentes briques. Et dans le cas que tu mentionnais, on a une brique qui était défectueuse. Et donc, c'est comme si on retirait cette brique pour faire une protéine sans cette partie défectueuse. C'était juste pour un peu repréciser cette partie-là. Et effectivement, l'édition du génome, le CRISPR, on peut en rêver pour plus tard, mais pour l'instant, on fait un peu. Et là, j'imagine que les dérives eugéniques seront aussi à prendre en compte, là, parce que... Mmh. Ouais. Là, c'est plus seulement la sélection, c'est la modification d'un enfant à naître. Donc, c'est beaucoup de questions éthiques, oui. C'est vertigineux. Alors, on a parlé un petit peu de... Tu as parlé quand même d'annonce aux patients, on n'en a pas parlé dans le détail, mais c'est aussi une partie importante de ton travail qui est annoncer des diagnostics qui sont souvent très difficiles, puisqu'on parle de maladies rares et un certain nombre d'entre elles sont incurables. Comment est-ce que tu arrives à te détacher du côté émotionnel en tant que médecin? Est-ce que tu participes aussi au soutien des malades et de la famille, ou est-ce que vous avez d'autres relais justement pour vous aider? Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de contextes de consultations d'annonces qui sont très intenses émotionnellement. C'est pour ça qu'on fait souvent des consultations à plusieurs, donc avec un duo ou un trio, avec psychologue et conseiller en génétique. Bien sûr, c'est difficile, on va pas se le cacher, mais l'idée, c'est d'essayer de pas faire de transfert, donc de pas faire de parallèle avec sa propre vie ou sa famille, tout en restant empathique et puis c'est de garder un équilibre sain, on va dire, dans sa vie personnelle pour arriver à faire une séparation vie pro, vie perso. Je crois que c'est un peu le cas dans, dans tous nos métiers, mais encore plus quand on sort de consultation, d'annonce, où en effet, on a des patients qui vont s'effondrer. On va les accompagner, bien évidemment, ensuite. Donc oui, on participe à leur soutien. On va essayer de les accompagner, nous, mais c'est vrai qu'on a... On les revoit relativement régulièrement, mais on n'est pas là dans leur quotidien. Donc, par contre, on va les adresser à des associations de patients. Il y a de plus en plus d'associations de patients. Donc, l'association du syndrome de, par exemple, voilà, pour tout un tas de syndromes, que ce soit des associations au niveau national ou international. Et donc, en fait, on adresse beaucoup les patients dans ces réseaux d'associations où ils trouvent beaucoup de soutien, parce qu'ils vont avoir un écho à leurs histoires. On les adresse aussi dans les cadres de réseaux nationaux. On a des centres de référence pour des groupes de pathologies. Et puis donc, voilà, on essaye d'orienter les patients avec tout un tas de tissus de soutien autour d'eux, y compris pour les sans diagnostic. Hein, les personnes qui n'ont pas de diagnostic, maintenant, il y a des associations de patients pour des patients en errance diagnostique, et donc ils vont pouvoir échanger. Ils organisent beaucoup de choses, des rencontres, des événements, des levées de fonds aussi. Ils aident beaucoup pour la recherche. Donc voilà, c'est assez. Oui, ça me rappelle ce que tu dis, un livre que j'ai lu qui s'appelle « Deux petits pas sur le sable mouillé » de Anne-Dauphine Julien, donc, qui raconte la maladie de sa fille qui a une, il me semble, leucodystrophie métachromatique. Et donc, elle raconte ça, et je sais que ce livre a été traduit dans de nombreuses langues aussi parce qu'il a justement ce rôle d'aide et de gens qui peuvent traverser la même chose et à qui ça peut donner des pistes pour essayer de s'en sortir et de vivre le mieux possible, finalement, ces annonces qui sont catastrophiques. Alors, on a un certain nombre de questions dans la chatroom, mais aussi une question, je vais commencer par celle de Cléora, qui n'est pas dans la chatroom, du coup, mais... En fait, ça rejoint en fait un peu les questionnements dans la chatroom. C'est en gros, à quel moment on dit que c'est une pathologie ou la normalité, ou alors que c'est plus une pathologie en fait. Parce qu'on se base sur la maladie du côté pathologique d'une mutation, mais est-ce qu'on peut parler aussi de maladie si c'est un effet bénéfique du coup, et pas un effet handicapant? C'est super intéressant comme question. En fait, on essaie de moins en moins d'utiliser le terme de mutation, par exemple. On essaie de parler de plus de variation. C'est toute la question de quelle est la norme et est-ce qu'une variation génétique qui va modifier, je sais pas moi, par exemple, la forme, enfin voilà, par exemple, des capacités respiratoires qui vont améliorer ma prise de fer ou des choses comme ça, est-ce qu'on considère ça comme une pathologie ou... Voilà. Bon, en gros, l'idée, c'est de parler plus de variation. Quand on parle de maladie, c'est qu'en général, c'est des patients qui sont pris en charge parce qu'ils ont des problématiques de santé. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a des variations qui sont responsables de différences vis-à-vis de la normalité en population générale, on va dire, sans que ça soit des vraies pathologies. Non, c'est une question très compliquée. En réalité, c'est difficile de répondre. Et on a une question liée justement à ça, qui est à partir de quand on est dans le médical et à partir de quand on est dans l'amélioration de l'humain avec l'édition du génome. Alors, l'amélioration de l'humain, on n'y est pas du tout. qu'est-ce qu'on appelle le soin ? Donc, si le soin, c'est éviter la pathologie... Parce que là, on est dans du médical. Ouais. C'est compliqué. Eh ben, on a une autre question compliquée aussi. Est-ce que tu as un exemple de mutations rares qui peuvent donner un avantage à un patient ? Là, comme ça ne me vient pas. Il y a des exemples dans l'évolution. Alors, je vais sortir de mon domaine de compétences, donc je ne veux pas raconter de bêtises, mais... je sais qu'il y a des exemples dans le génome humain, donc avec des variations issues du génome de Néandertal, qui ont permis à des populations au Népal d'avoir des meilleures capacités d'adaptation à l'altitude. Voilà, je ne vais pas me développer beaucoup plus là-dessus parce que c'est pas du tout mon domaine, Mais je sais qu'il y a des variations, oui, qui sont responsables de plus, quoi. Enfin, c'est le... D'amélioration, ouais. Et du coup, j'ai une question liée à ça, parce que j'y pense, on parle souvent de l'anémie falciforme, donc qui est une mutation des globules rouges souvent présente en Afrique, parce qu'elle confère une... quand on est hétérozygote, donc on a la moitié mutée, on confère une résistance au paludisme, mais quand on a une double mutation, par contre, on a des gros problèmes. Est-ce que pour toi, tu pourrais considérer que c'est un avantage ? Ah, c'est un avantage dans un environnement donné. Donc ça c'est la drépanocytose, hein, l'autre nom de la maladie, où en effet, ben, si on est porteur de cette variation à l'état hétérozygote, on va résister au paludisme, et donc c'est la raison pour laquelle cette variation et donc cette maladie, quand on a les deux variations, est en fait très fréquente chez les populations issues d'Afrique. Puisqu'en fait c'est une variation qui s'est fixée, donc on a eu un effet fondateur et une variation qui s'est fixée dans les populations issues d'Afrique, parce que ça leur procurait un avantage de résistance au paludisme. Mais c'est d'ailleurs probablement le cas pour les variations du gène CFTR, donc pour la mucoviscidose. On n'a pas encore trouvé le pourquoi, mais quand on a des variations qui sont très fréquentes, donc là on parle de 4% de la population, c'est probablement qu'il y a à un moment donné dans l'évolution un effet bénéfique. Reste à savoir lequel. Ouais, bonne question, parce que c'est vrai que pour le moment ça reste quand même assez négatif. Alors là, on a fini avec tes questions plus sur le médical. Brièvement, je voudrais aborder aussi la partie recherche, même si on a vu que finalement toute ton interview sur la partie médicale nous a vraiment montré aussi que finalement, ce que tu fais, c'est aussi de la recherche, juste parce que vous explorez en permanence ces nouvelles maladies, mutations, variations, etc. Mais toi, tu fais aussi de la recherche. Tu fais pas que de la médecine. Actuellement, tu es en stage de M2 à UCLA pour étudier les maladies osseuses. Alors, est-ce que tous les généticiens font de la recherche? Ça a l'air quand même vraiment lié à votre métier. Et pourquoi ce choix, toi, de faire de la recherche en plus? Oui, donc c'est vrai que on est beaucoup de généticiens à faire un cursus universitaire, donc pour essayer d'avoir la double casquette. Donc là, en ce moment, je fais un master 2 en génétique, donc c'est ce qu'on appelle une année recherche. Donc j'ai eu des cours sur Paris et je fais mon stage ici, donc à UCLA, dans un laboratoire de maladies osseuses. Mais le but, c'est que à la fin de mon internat, je réalise une thèse de science, donc j'ai un doctorat pour avoir les deux casquettes, médecine et recherche. C'est pas tous les généticiens qui le font, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, parce que ben la génétique et la recherche, comme on l'a vu, ont beaucoup de liens. Après, on n'a pas forcément besoin de faire à tout prix un cursus universitaire pour faire de la recherche, hein. On a plein de possibilités de travailler avec la recherche. C'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est toute la partie curiosité, découverte, essayer de comprendre. En fait, il reste énormément de choses à comprendre en génétique. La recherche, c'est ça pour moi, c'est être curieux et essayer de trouver des éléments de compréhension. Et puis ben derrière, on arrive à avoir un impact direct sur les patients, et donc je trouve ça très intéressant d'avoir les deux. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi portent tes recherches à UCLA? Donc dans mon cas, je suis dans un laboratoire de maladies osseuses, donc je m'intéresse aux maladies qui touchent le développement de l'os, et je m'intéresse en particulier à une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite, que vous connaissez peut-être sous le nom de maladie des os de verre. Donc c'est une maladie rare de fragilité osseuse, où les os vont se briser alors qu'il y a des faibles impacts. C'est une maladie où en fait il y a une variabilité qui est énorme, avec des formes prénatales qui sont létales, et puis des formes très modérées où on va avoir des patients qui vont juste faire quelques fractures dans l'enfance, ça s'arrête à l'adolescence, ils n'ont jamais eu de traitement, ils ne savaient même pas qu'ils avaient ça. Et en fait, il y a beaucoup de gènes qui ont été identifiés, il y a des formes relativement fréquentes, et puis après on a des formes ultra rares. Et par exemple, là, moi en ce moment, je m'intéresse à une forme récessive, où on est sur une forme prénatale létale, avec 12 patients seulement qui ont été publiés dans le monde, donc vraiment quelque chose d'extrêmement rare. Et je cherche à comprendre l'impact de la mutation sur la protéine. Donc, on a trouvé une mutation dans ce gène, et puis ben, je vais faire des cultures de cellules qui sont issues du patient, et je vais comparer les niveaux d'expression des protéines entre les cellules de mon patient et puis des cellules de cas témoins qui ne sont pas atteints. On peut regarder aussi s'il y a des localisations de protéines qui vont être différentes. Voilà. D'autres choses qu'on fait dans ces contextes en recherche en maladie rare, par exemple, ça va être d'introduire la mutation dans un modèle animal. Typiquement, on va mettre la mutation dans une souris et on va regarder l'impact sur le développement de la souris. Et puis, bah, une fois qu'on a rendu cette souris malade avec la même maladie que chez l'humain, je dis ça avec des pincettes puisque c'est bien évidemment jamais un parallèle parfait, mais une fois que la souris est atteinte, par exemple, ben, on peut pouvoir faire des tests thérapeutiques avec ben, des tests de traitement qui vont pouvoir servir pour traiter ces patients qui ont maladie, par exemple, donc une ostéogénèse imparfaite. Ben, en fait, ces thérapeutiques, ben, ça va permettre d'ouvrir des voies thérapeutiques pour des traitements de maladies beaucoup plus fréquentes, donc fragilité osseuse chez la personne âgée, par exemple, dans l'ostéoporose. Voilà, donc en fait, la recherche en maladies rares, ça permet de comprendre et puis d'améliorer la prise en charge de maladies plus fréquentes aussi. Et la physiologie en général, j'imagine. Alors justement, ça fait un relais parfait avec la question un peu pour finir cette partie recherche, qui est aussi en lien avec ce que dit Nive, 12 cas dans le monde, ça ne doit pas vraiment trop intéresser l'industrie. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs sur l'importance de la recherche des maladies rares, sur les maladies rares ? Ben oui, complètement. Donc, comme je disais, hein, comprendre une maladie rare permet d'apporter aussi des thérapeutiques pour des maladies plus fréquentes. Il y a un exemple qui est assez significatif. J'ai parlé d'une maladie un peu plus tôt tout à l'heure qui s'appelle la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, où on a une dégénérescence des neurones moteurs sur la partie latérale de la moelle épinière. Et en fait, donc, on a une fonte des muscles progressive. C'est une maladie qui est relativement fréquente dans les maladies rares. On a 2,5 cas pour 100 000 personnes. Et dans la majorité des cas, c'est une maladie qui est sporadique. Donc, c'est des cas où la cause n'est pas génétique, il y a des causes probablement multifactorielles. Et on a 10% des cas où la cause est génétique. Et en recherche, on a réussi à identifier les gènes qui sont responsables de ces 10% de formes de SLA familiales. Et donc, par exemple, il y a un gène qui s'appelle le gène SOD1, et où, en fait, il y a un essai thérapeutique en ce moment qui est très prometteur avec l'utilisation, là encore, d'un oligonucléotide, donc tout petit paire de base, qui va réguler la synthèse de la protéine pour diminuer la production de la protéine qui est produite par ce gène SOD1. Et on sait que, en fait, dans la protéine SOD1, quand elle est mutée, elle va interférer avec plein de mécanismes cellulaires et elle a un effet toxique qui conduit à la mort des neurones. Donc, en fait, on va essayer d'inhiber la production de cette protéine. Et en fait, ça va servir à traiter les patients, les 10% des formes de SLA qui sont mutées dans des gènes, notamment, donc qui ont une forme génétique de SLA liée à SOD1. Mais ce traitement pour le futur, ben en fait, comme on sait que le mécanisme physiopathologique, ben il est commun avec les formes sporadiques, on va pouvoir proposer ce traitement pour les formes de SLA sporadiques, donc qui sont beaucoup plus fréquentes. Voilà, c'est un exemple où en fait la prise en charge, la recherche de voies thérapeutiques en maladies rares va permettre demain de proposer des traitements, si ce n'est déjà aujourd'hui, pour des maladies beaucoup plus fréquentes. Donc c'est important. Et est-ce que les auditeurs peuvent contribuer à cette recherche d'une façon ou d'une autre ? Il y a possibilité de faire des dons à des associations. Vous connaissez très probablement évidemment le Téléthon, hein, qui fait des levées de fonds et qui fait des appels aux dons. Et c'est vrai que voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous sentez concerné, puisqu'en fait ça concerne tout le monde, bah, vous avez la possibilité de faire des dons à des associations pour aider à financer la recherche en maladies rares. Alors, on a aussi d'autres questions dans la chatroom hein, qui vont nous permettre de finir avant de passer aux questions bonus de la fin. Alors, on a encore une question, je crois, qui nous demande est-ce que le fait que les Chinois aient moins de contraintes éthiques sur l'usage d'embryons fait qu'ils avancent plus vite que nous ? Voyez-vous leur progrès dans les publications ? Question difficile. Je pense qu'ils font référence notamment à la modification par CRISPR-Cas9 qui avait été faite chez une petite avec une variation pour soi-disant protégée d'une infection par le virus du VIH, mais qui avait été fait en réalité en dehors du cadre éthique et légal en Chine également. Après, je connais mal, honnêtement, comment fonctionne l'éthique et la recherche en Chine aujourd'hui. Je ne sais pas très bien vous dire à quel point ça va avoir un impact ou non. Moi, sur mon expérience personnelle, je ne vois pas pour l'instant de différence majeure sur les publications qui viennent de Chine ou d'ailleurs, puisque nous, on fait beaucoup de publications descriptives, notamment. Donc, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas encore à l'édition du génome en thérapeutique, en pratique courante, donc pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité, on va dire. Alors, moi, je peux rajouter aussi quelque chose par rapport à la biologie d'une manière générale. Hein, pour publier dans les grands journaux comme Nature, Science ou même d'autres, les protocoles éthiques qui sont internationaux, en fait. Donc, c'est pas possible, à ma connaissance, de publier une recherche complètement non éthique dans ce type de journal, ce qui limiterait quand même beaucoup la diffusion. Et alors jusqu'à présent, les avancées en Chine étaient, les laboratoires en Chine étaient un peu moins avancés. C'est en train de changer parce qu'on a énormément d'étudiants chinois qui ont fait leurs études aux États-Unis ou ailleurs et qui reviennent avec une grosse masse de connaissances faire leur labo en Chine. Et on a des publications très jolies qui sortent en ce moment, notamment en biologie du développement, hein, qui est mon domaine. Mais à ma connaissance, l'éthique est toujours respectée sur les animaux, hein, puisque c'est aussi une problématique importante. Donc voilà, pour répondre à cette question, je ne sais pas si les publications en Chine progressent énormément en qualité. Est-ce qu'ils avancent plus vite que nous ? Je ne suis pas forcément certaine non plus. Dernière question. Tiens, c'est intéressant ça. Avez-vous fait séquencer votre génome par... des entreprises du style 23andMe? Non. D'abord parce que c'est illégal en France. Vous n'avez pas le droit d'envoyer votre ADN à ces compagnies pour des raisons éthiques et notamment de protection de vos données personnelles. Juste pour le petit clin d'œil, sachez que ça leur coûte... en fait, vous payez, ce que vous payez coûte moins cher que ce que leur coûte de réaliser votre séquençage. Donc, en réalité, ils payent pour séquencer votre ADN, alors que vous-même, vous allez donner, par exemple, 50 euros, là où eux, ils ont besoin d'en débourser 250. Pensez bien que derrière, il y a tout un système d'utilisation des données qui est probablement... pas très éthique. Je déconseille fortement. Donc non. Personnellement, pour exactement les mêmes raisons, je ne le ferai pas. J'ai pas du tout envie que mon ADN serve à des méta-analyses et des données que nous, en biologie, on fait. Alors nous, on séquence plein de chauves-souris, par exemple, et on essaye de trouver des variations, enfin des choses à grande échelle. Donc clairement, rien ne les empêche de faire la même chose sur nous. Moi, j'ai absolument pas envie qu'ils le fassent sur le mien. Est-ce que vous pourriez le faire sur le vôtre, à vous-même, avec ce que vous avez dans votre labo ? Je ne sais pas, c'est possible ou pas ? Parce que tu dis que tu le fais sur des... alors moi, je l'ai fait, je pense qu'il y a prescription aujourd'hui. J'ai eu une maladie il y a quelques années et je voulais voir un peu si j'avais une mutation. Et oui, j'ai commandé les amorces et j'ai séquencé mon propre ADN dans mon labo, ce qu'on n'a pas vraiment trop droit de faire. Alors, pas le génome complet, mais une petite partie. Voilà. Mais oui, on pourrait le faire, bien sûr. On a tout ce qu'il faut pour le faire. D'accord. Alors, je vais passer aux questions bonus, aux questions de la fin. quelle est la question que l'on te pose tout le temps et à laquelle tu es lassée de répondre? Alors, une des questions qu'on me pose tout le temps, à chaque fois que je dis que je suis généticienne médicale, on pense que je fais uniquement du labo et de la recherche, ce qui n'est pas le cas. La majorité de mon activité est une activité clinique, hein, vous avez bien compris. Voilà, c'est sur cette question du labo uniquement. Donc, tu vois des patients aussi. Et finalement, quelle est la question, par contre, que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre? Je pense, parce qu'on n'ose pas trop me demander, mais savoir quel est le cas ou les cas les plus incroyables que j'ai vus en consultation. J'ai pas mal d'exemples parce qu'on voit pas mal de trucs assez dingues, c'est vrai. Et notamment, un cas qui m'a pas mal marqué, qui était un fœtus qui est né qui n'avait pas de cavité buccale. Donc, il avait des lèvres et pas de bouche. On n'a pas trouvé pour l'instant. C'était plein, en fait. C'était juste l'os. Incroyable. Eh bien, sans transition, pour passer à quelque chose d'un peu plus joyeux, nous allons passer à... Est-ce que c'est joyeux ou pas? Je ne sais pas, mais on a beaucoup parlé d'éthique dans cette émission. On a parlé notamment de séquençage 23andMe et des choses comme ça. Il me semble que tu as une citation qui est un peu en rapport avec ça. Alors, je vais te la laisser nous la lire. C'est la citation du film « Bienvenue à Gattaca ». Qui dit « Après tout, il n'y a pas de gêne pour le destin ». Très très chouette. Est-ce que ça inspire quelque chose à Joanne ou Cléora? Ou dans la chatroom d'ailleurs? J'aime bien le gêne dans les deux sens, oui. Et puis je pense par rapport à tout ce que tu nous as raconté, c'est intéressant aussi d'un point de vue que... Parfois, c'est génétique, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne comprend pas. Et tout n'est pas forcément génétique, donc ça ne veut pas forcément dire... avoir une mutation, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va s'exprimer et que tout va mal aller et qu'on va avoir parfois une maladie derrière. Et bien merci à vous deux, Marion et Alexa, pour ce magnifique dossier. Juste une petite annonce pour ceux qui nous écoutent en live. C'est le grand retour des radios dessinées. Et oui, pour bientôt. On vous rappelle donc le principe, un thème, une émission en public, et on invite des dessinateurs humoristiques du Café des Sciences qui croquent en direct nos dossiers. Et la prochaine s'intitule « Sous les pavés, la jungle ». Et elle aura lieu le 23 novembre, juste prochain, là, donc dans pas longtemps, de 18h à 21h, à l'Université Paris-Cité, dans le 13e arrondissement à Paris. Donc du côté des locaux de Pierre, j'imagine. On sera ravis de vous y voir. Inscription gratuite obligatoire. Donc si vous voulez, on vous passera les liens dans la chatroom, etc. Et donc directement, depuis la page principale de notre site, on peut l'avoir aussi direct. Grâce à, il me semble que c'est Joanne qui l'a mis en place sur la page d'accueil. Oui, notre site, parce que je sais qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent par podcast et qui ne savaient peut-être même pas qu'on avait un site. Donc c'est Podcast Science. Sans S, .fm, podcastscience.fm, tout attaché. En tout cas, encore merci Marion pour cette découverte autour de la génétique médicale et de la rareté des anormalités, qu'on en vienne à en être malade. Merci Alexa de nous avoir laissé l'occasion de profiter de l'expression du rare gène qu'est Marion. Et enfin, merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés, pas qu'un seul brin, mais bien toute l'émission. On se retrouve à la prochaine chaîne d'ADN, et en attendant, que servir la science soit votre joie.